Le grillon. C'est l'heure où, las des raies, l'insecte nègre revient de promenade et répare avec soin le désordre de son domaine. D'abord, il ratisse ses étroites allées de sable. Il lime la racine de cette grande herbe propre à le harceler. Il se repose. Puis il remonte sa minuscule montre. A-t-il fini? Est-elle cassée? Il se repose encore un peu. Il rentre chez lui et ferme sa porte. Longtemps, il tourne sa clé dans la serrure délicate. Et il écoute. Point d'alarme dehors. Mais il ne se trouve pas en sûreté. Et, comme par une chaînette dont la poule y grince, il descend jusqu'au fond de la terre. On n'entend plus rien. Dans la campagne muette, les peupliers se dressent comme des doigts en l'air et désignent la lune.